Fresh Air Community Radio is KFAI-FM, Minneapolis-St. Paul. Online and archived at KFAI.org. The community's true voice. Fresh Air Community Radio is KFAI, 90.3 FM HD, Minneapolis, St. Paul. Online and archived at KFAI.org. Radio without boundaries. Hi, this is Freddie Pudding. This show is a rerun from November 24th, 2020. There is the obituaries for Olaf Funkelsch, and then some songs about the Beaujolais and some songs about merci, or gratitude. The following KFAI program was recorded earlier for broadcast at this time. Hello, everyone. This is Frederick Posin, and unfortunately, I have a bad news. Olaf Funkelsch just passed away on November 19th, so instead of trying to make up anything, I'm just going to read the obituary made by his daughters. On November 19th, 5 days short of his 88th birthday, our amazing father passed away before he could host another celebration. Birthdays weren't about him, but an excuse to be with friends and family and to share his love of good food and good conversation, while always making sure wine glasses were never empty. Born in Berlin in 1932, he grew up in a place and time that clearly shaped his worldview. A deep understanding of what matters in life and what it means to be a good and decent human. He loved life, the arts, humor, science, deep and creative thinking and travel, but above all, connecting with people. Had not walked into the Sorbonne office to collect his scholarship fund while earning his doctorate, he would never have met Georgette, who married him despite his difficult last name. With two young kids in tow and one on the way, they sailed to the US in 1965. As a professor at the U of M for 42 years, he was a distinguished expert in his field of hydrogeology and respected worldwide. He was one of those rare mentors who thought kindness and generosity in equal parts to intellectual pursuits, a legacy that cascades forward as those students, in turn, teach and lead others by example. A celebration honoring this special man is destined for this summer. We promise to make sure your glass stays full. In lieu of flowers, donate to the Hans Olaf Funkelsch Scholarship Fund, which allows hydrogeology students to continue studies at the hydrogeology field camp at www.mgwa.org/mgwa-foundation. For more information, the obituary will be posted on the Bonjour Minnesota Facebook page. We, as the team of Bonjour Minnesota, intend to pay tribute to Olaf on the next show, talk about him, and play the music that he liked. Thank you. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis, Saint-Paul et en ligne sur KFAI.org. L'émission que vous écoutez est Bonjour Minnesota. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM in Minneapolis, Saint-Paul and streaming at KFAI.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. Bonsoir Adrien, bonsoir Freddy, bonsoir Romain. Welcome to Bonjour Minnesota. Woohoo! KFAI. Yes. How 90.3 are you doing, guys? FM. 90.3 FM. I'm good. Yeah. It's okay. Been, the sun is shining. Yeah, I was nicely surprised to have like a little break in the weather with the weather. Yeah, now we haven't seen each other in person for a while. True. And I'm a little bit anxious with the. I know winter is going to come at some point, so I can feel it. Yeah. Yes. I'm thinking like I'm not exercising very much already, and my only thing is like to take a walk, maybe half hour to an hour. Oh, that's and, good. I think that I wish I would do it every day, but I don't really. I do it maybe like 4 times a week at least. That's good. And I'm a little bit anxious with the cold because my motivation is going to go down the drain. Well, but actually I do that too, and I really like to walk when it's cold. Well, it depends on how cold. Yeah, that's true. And I know I'm better equipped than I used to be with, you know, the mask and I have better gloves, I have better things, I mean, like snow pants, so I know I can do it. And I was talking to Valérie Jardin about it, the street photographer. Yeah. We had on the show like a year ago now, because there's just one, the picture popped up in my memories. And she was saying, but get some rackets, get some skis or something like that. Snowshoes, And I think I'm going to get some snowshoes because just behind my place, there's a big railroad. And it goes pretty far. And so I can take right now the railroad, you know, like the stones and the tracks and things like that. But I think it'll be like snowing enough, it'll be covered up. And I think I can do that. Well, Fred, you live in a great neighborhood. You have so many like parks. You can go to Highland Park. Mm-hmm. There's a ton of little, you know, there's a golf course, but also next to it, there's like kind of it's wooded. And then you can go a little bit south and you have Fort Snelling area. With the Crosby Farm Park, and you can use your racket there too. Or you can just have a go to get a good coffee on West 7th somewhere. That's true. That would be a nice long walk though. It would be, but I think it might be worth it. And I think I'm going to learn to take some of the paths, some of the streets that are not necessarily, like with a small sidewalk or things like that. I mean, So risky. This week, yes. So this week, we're going to have kind of two themes. The first one is going to be the belated themes about the Beaujolais, because the Nouveau was Thursday the 19th. And so that was like a big event as usual, which is, in France was probably not celebrated the way it usually is because they are back in full confinement. So we're going to have songs about the Beaujolais. And the rest of the songs, most of them are going to be about merci, about thank you, because it's going to be Thanksgiving. Yeah, being grateful and being thankful. So most of the songs are going to say merci. Even like the famous song, Merci Qui. So, we're going to do that. Well, especially right now that they're in trouble. Yeah, okay. And we're going to play the song to start with from the theme of Casimir. Mm-hmm. Because the person who was playing Casimir for a very long time just passed away at the age of 56. Can you explain what is Casimir for listeners that are It was younger. A TV show. And the TV show was not Casimir itself. Casimir was the person. The main character. In that TV show called Little Enfants, or the Kids Island. And Casimir was some kind of an orange dinosaur. Yes. Le monstre gentil. That's true. Kind monster. Yeah, and he was very friendly, and he was, I think a little bit like Barney here, but in less, I think he was... Less annoying, nicer. I mean, the parents didn't throw stuff at the TV, so that was good. And so, within Les Deux Enfants, Casimir was a big character, and this person who was the man, not character, behind. But he was, yeah, he was the backstage, the actor. He was a voiceover, right? Right. The voice, just the voice of the He was also inside. He was inside Casimir. Too. Oh, that's yeah, that's he was great. He was moving in and stuff. Oh yeah, yeah, he was, and that's why he was a puppeteer and actor. Yeah, yes. It's called Comédien Marionnettiste, and his name was Régis Fassier. And that's funny because he watched Casimir when he was 10, and he sent a letter to the person who was controlling Casimir at the time, and he said, "I want to do that later." And he got to do it. Yeah. Oh, cool. And and even though the show ended 35 years ago, maybe even more, Casimir was still showing up in certain TV shows not on a regular basis, but it was still the same voice, the same guy inside. And and I'm sure he was also appearing in events and stuff like that. Right. So yeah, he didn't disappear completely. I mean, he was a very famous character, but he was also playing the blue dog in the Club Dorothée and in commercial for like the tiger from Esso or the lion from Crédit Lyonnais, Croquick. Croquick was a monster in like the cereal Nesquik. No, it's not the cereal. Well, for the hot chocolate. Hot chocolate, yeah. Mm-hmm. Yeah, Nesquik. And La Mascotte. And he was a rooster for the World Cup. So he was also doing that. So, we're going to listen to that. Then the Beaujolais and then some merci beaucoup, some gratefulness. Sounds good. Yes. And Saturday night, I will go see Les Bronzés Font du Ski with the Alliance Française. They are doing like a drive-in. And so, and with some food too, a little bit of food. I mean, it's a box prepared like a sandwich. I'll let you know how it went. Good. And watch it. Good. I've seen it like several times, but. Oh, yeah. I think best movie, best winter movie ever. Yeah, it's a very good one. Pour le planter du bâton. Yes. You know what's the most, is the most sold in France currently from supermarkets? What is? Raclette cheese. Yes. Oh, yeah. Yeah. Oh, yeah. Because it's a COVID, typical. Yeah. They're out of raclette. Yeah. Well, or we're having one again on Wednesday night. Okay. Oh, fun. Nice. Do that often. There yeah. There we go. We'll be right on the Lake Superior and we'll be having raclette. Gorgeous. Don't forget your Beaujolais. All right. Are you guys ready for the music? Yeah. C'est parti, mon kiki. Allez, on y va. Now we're going to start with Anne Germain, and she's going to sing L'Île aux Enfants. That's where the main character, Casimir, was from, and the actor, puppeteer, just passed away, and we grew up with it. Then we're going to listen to Beaujolais Touch with Beaujolais, Beaujolais, Beaujolais. Yeah. And then Jean Constantin with Le Beaujolais. Chaque nuit dans vos rêves. Vas-y, venu, le temps, des rires et des chants.

gueules de bois. Au nom du repos du guerrier, Jeff grave et la main sur le foie, rêve d'un lendemain férié. Demain, vu que ça se verra, on se dira vous en étiez autour d'un verre de soda. Le Beaujolais nouveau est arrivé. It was Picole Réaction with The Beaujolais Nouveau est arrivé, Les Garçons Bouchés with Du Beaujolais pour oublier, and La Rue est à nous with The Beaujolais. You're listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio, KFAI.org, streaming worldwide, or 90.3 FM in the Twin Cities. Keep on listening. Hi, this is Freddie Pudin, and this show is a rerun. Now, we're going to listen to Messu, with Vendange en Beaujolais, a harvest in the Beaujolais. Then with Mariano, with Vive le bon vin, hooray for the good wine, le Beaujolais nouveau est arrivé, which is not that great of wine, but it's always pleasant. Then Michel Messi, with Revoilà le Beaujolais nouveau. Here comes again the Beaujolais nouveau. De quelques gens que l'on retrouvera ici ou ailleurs. C'est un champ de la terre qui monte au ciel depuis ses champs. D'une contrée vendangée mille fois par des vents de passage éphémère. Ainsi va la vigne et le champ du Beaujolais. Le bruissement des serpettes pour le vin en devenu ambassadeur de la contrée, fraîcheur et sincérité. Les vendanges en Beaujolais. Une plante tortueuse qui monte vers la lumière que l'on retrouve une fois que l'on a bu quelques verres. Dans un petit coin de France avec quelques nouvelles têtes, porteuses de sourires fatigués et de bonne humeur, des lunettes. Ainsi va la vigne et le champ du Beaujolais, le bruissement des serpettes pour le vin en devenir ambassadeur de la contrée, fraîcheur et sincérité, vendanges en Beaujolais. Des jolies filles et de la bonne bouffe depuis le matin jusqu'au soir. Des horizons différents qui s'ouvrent autour d'une table. Des anciens de vrais, puis leurs chansons grivoises imprégnées du sang de la terre et des étoiles du Beaujolais. Ainsi va la vigne et le chant du Beaujolais. Le bruissement des serpettes pour le vin en devenir ambassadeur de la contrée, fraîcheur et sincérité, les vendanges en Beaujolais. Pas la prétention d'une amitié, mais celle de profiter ensemble, de se lâcher un peu la grappe dans la douleur ou dans la soif. Je résume sous ces quelques mots les intentions de ma petite chanson. En danger contre les Beaujolais, belle vie à tous cette nuit, merci sincère. Ainsi va la vigne et le chant du Beaujolais, le bruissement des serpents pour le vin en devenir ambassadeur de la contrée, fraîcheur et sincérité, les vendanges en Beaujolais.

je voudrais lui dire merci pour ce qu'il m'a appris d'avoir donné aussi un sens à ma vie. Il était ma seule chance de fuir la délinquance. Grâce à lui, j'ai construit l'homme que je suis. On avait les mêmes blessures cachées. Avec cette démesure à aimer, son absence est un désert. Sa voix chante encore en moi comme un cri. Je voudrais lui d'avoir donné aussi un sens à ma vie. Il était ma seule chance de fuir cette violence et enfin d'exister pour pouvoir chanter. Je voulais lui dire merci d'avoir fait de ma vie ce qu'elle est aujourd'hui. Merci. It was Serge Prisset with Tes lèvres ont le goût du Beaujolais nouveau. Then Frédéric François with Merci encore et encore. And Jean-Baptiste Guégan with Merci. You're listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio, KFAI.org, streaming worldwide, or 90.3 FM in the Twin Cities. Keep on listening. Hi, this is Freddy Pudin, and this show is a rerun. Now we're going to listen to Johnny Hallyday with Merci, Jeanne Chéral with Merci, and Ancy and Yoel Desroses with Merci. Que tu ne m'oublies, je voulais te dire merci pour ta bouche qui riait, que j'ai fait crier, tes yeux que j'ai fait pleurer, je voulais te dire merci. N'attends pas de moi. J'implore que je supplie. N'en espère pas de moi. Des larmes tu repentis. Je veux simplement, plus simplement te dire merci. voudrais te dire merci.

pris dans l'inconnu. Marchant dans la ville, arpentant les rues, perdant dans la foule, enfant claustrophobe. J'avais pour envie de changer le globe. J'écrivais des choses parfois superflues, que mon entourage trouvait farfelues. Ma voix sur vinyle passe sur les ondes, ce qui me permet de voir l'autre monde. La première étape fut la Normandie. J'entendais des gens crier Claude MC. Il y avait de l'espoir dans cette autre histoire. Il y avait des sourires fondant l'auditoire. Après les concerts, c'était nos barrières. Pas de garde-corps, pas de plan de carrière. On se découvrait par de longs récits. Pour tout ce bonheur, je vous dis merci. C'est que plus tard, dans mes souvenirs, j'aurai autre chose que de longs soupirs. J'aurai de la joie et des couleurs vives, et le sentiment d'être toujours ivre. C'est à ton contact que j'évolue, c'est par ta présence que l'on m'évalue. C'est aussi pour toi que j'écris ces phrases, de l'introspection juste après l'extase. J'espère pour ma part t'avoir fait du bien, même une caresse, même trois fois rien. Une note de musique, juste un stimuli. Une vraie parole, pas du simili. Parce qu'il est temps de dire que ce qui nous fait, c'est toi. Que te rencontrer, c'est faire le plein de joie. Voilà pourquoi je ne tourne pas ma langue cette fois. Pour te dire ceci, merci. You're listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio, KFAI.org, streaming worldwide, or 90.3 FM in the Twin Cities. Keep on listening. Hi, this is Freddy Pudding, and this show is a rerun. J'ai jamais voulu être une star, juste une étoile. Comme un repère dans la nuit noire, le vent de tes voiles. J'ai jamais compris mon départ, si théâtral. Et je serais passé par toutes les gares au final. C'est la voix cassée sur les crash barrières. Sur la peau j'ai des fautes d'orthographe. On change à Montparnasse, Paris. Nique sa race, j'ai pas de plan de carrière. Et j'avais tellement plus envie d'y croire. Il fait si noir, des langues, des mondes, des mondes, des langues dans ma tête. Et je savais vraiment plus quoi faire de mes 10 doigts. Jusqu'à ce que je vive de mes concerts. Merci mes frères et merci toi. Des nuits de travail, des milliers de sourires. Fini les cadenas, je choisis de m'ouvrir. Tellement de paroles que j'oublie de vous dire. Sales coaster pour le meilleur et le pire. Plus que du peur à des souvenirs. Avant de le croire, frère, faut le vivre. Plus que du taf, une leçon de vie. Sur scène, mon cœur est le seul vibre. Le ciel est bleu dans le sud de la France. Je me dis que j'en ai eu de la chance. Je vois nos posters sur les murs de ta chambre. Moi aussi, j'en ai eu sous la lampe. Je rêvais d'un public, mais vous êtes une famille. De vous protéger, moi j'en fais le pari. Je remercie tous ceux qui ont cru en moi. Merci mes parents, merci mes amis. Avec ta voix, t'as mis mes soupirs en désarroi. J'ai vécu pour tant de vie, tant relu mes poésies. Mais jamais je n'oublierai. Je dirais à mon fils que tous nos concerts nous rendaient éternels, que tous les parents de ses potes venaient ensemble pour y turn up. Et quand ma mère devra partir parce que personne n'est immortel, je veux que sa dernière image soit Rémi, l'enfant du quartier des Perrières. Je garde les deux traits sur la tête sur deux épaules stables. J'ai fait de ma vie de merde une fête, mis mes tripes dans une carte postale. Wow, je repense à votre amour quand on a soulevé la ville. Tout serait moins sale et si vous saviez que vous m'aviez sauvé la vie. Avec ta voix, It was MC Solar with Merci, Maxence with Merci featuring VSO, and Taras Bulba with Merci pour le tip. Bonjour Minnesota on KFAI Fresh Air. Music, interviews, event calendar, and announcements for the Francophone, Francophile community, highlighting the diversity of French-speaking culture. Tuesday, 8 to 10 p.m. 90.3 FM. Check us out on facebook.com/bonjourminnesota. Hi, this is Freddie Pudding, and this show is a rerun. Now we're going to listen to DJ Candies with Merci Key. And then it's going to be Stéphane Legard with Merci, and Hiri Révolté with Merci. Le gars, merci, merci. Toujours pas compris pourquoi t'es négatif. Mon petit, mon bébé, mon gars, c'est la vie. Bli la chaîne à rail qui est archélie. Merci, merci, merci. Tout le monde est d'être quand tu passes par ici. Pourquoi tu fais le mec alors que t'as pas d'avis? Fais la macolas, mali, hoche, lili. Merci, merci, ça va pas moto chérie. Colomanica, mon mère, merci, merci, à tes cas, ça compte, je te dis aussi, aussi, aussi. Je crois que t'as pas compris, compris, compris. Si tu vois le malheur, arrête et dis merci. La positivité, c'est Balitov. Négativité, globalito. Métri ou vie, t'as mis d'amitié. C'est Michani, c'est Michani. Color manika mon merak, merci, merci. Za fach la moto, chéri. Color manika mon merak, merci, merci. Astika sa kofi ou vie. Merci, merci, merci, merci. Peu importe ce qui se passe, dis merci et tu casses. Peu importe ce qu'on t'a fait, rappelle-toi de ton cœur et tu verras la masse. Merci, merci, merci, merci. Je vous remercie d'être là pour moi dans les moments où je me sens pas bien. Je vous remercie d'être là pour moi dans les moments où il me faut du soutien. Je vous remercie beaucoup d'être là pour moi, de me soutenir, de me prendre la main, pour m'aider à m'en sortir et cela depuis que je suis un gamin. Je vous remercie pour la simplicité avec laquelle vous m'avez élevé. Toujours pour votre générosité dans les moments où il manquait de lever. Vous n'étiez pas d'une grande sévérité, les expériences faillées je les vivais. Vous m'avez toujours laissé ma liberté et vous m'avez appris comment me démerder. Vous êtes tout ça pour moi dans les moments quand je me sens désespéré, vie si seul. Je sais que je peux compter sur vous, c'est une solidarité entre nous, même si des fois on s'engueule. Beaucoup de gens n'ont pas ça. Une famille ou des proches amis qui sont derrière toi. Et j'espère qu'un jour quelqu'un croisera leur chemin et le leur emmènera. Merci, merci, merci, merci. Je dis merci à ma famille, je dis merci à mes. Toute ma vie. Merci, merci, merci. Je dis merci à ma famille, je dis merci à mes amis. Merci, merci, merci. Oh, oh, oh, oh. De m'accepter. tel que je suis. It was DJ Candies with Merci Qui, Stéphane Legard with Merci, and Iri Révolté with Merci. You're listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio, KFAI.org, streaming worldwide, or 90.3 FM in the Twin Cities. Keep on listening. Hi, this is Freddie Pudding, and this show is a rerun. Now we're going to listen to three songs still with Merci. And the first artist is going to be Lucinda. The second is going to be Mahalesh. And the third is going to be Gibson King. The songs are called Merci. Amoureuse. autrefois on était si gay. Il y avait plein de papillons, il y avait plein d'oiseaux qui chantaient. Il n'y avait pas de goudron, il n'y avait pas de béton. Où que ce soit si malheureux, où que ce soit soyons heureux. Les mendiants en file indienne parcouraient la médina pour une pièce de 5 francs. Le partage si naturel permettait aux gens de s'aimer. C'était le temps du respect des hommes de bonne volonté. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci beaucoup. Merci, merci, la la la. Les ordures dans les ruelles, Homéra habite ensemble et pour tous c'est le ras-le-bol. Les odeurs de la forêt sont parties de mon quartier, tous ces fruits que l'on cueillait. Aujourd'hui il faut payer. À midi comme à minuit, toi tu n'as qu'à frapper à la porte. Il suffit que tu choisisses ta mandar ou ton on est. Merci. Marahaba menji menji, marahaba menji mezi mungu. Marahaba menji menji, marahaba menji mezi mungu. Asante sante sana, asante sante sana. My Father in heaven, I'm coming in front of you again, Lord. Mais cette fois-ci, c'est pour dire merci pour ton amour et pour ton pardon, Seigneur. I know sometimes we forget to say sorry for all the bad things we do, Lord. But here again, forgive me, forgive us. Thank you for the Holy Spirit. Yang is a no novo, I am better. Yang is a no novo, I am okay. Stay by step, I'm becoming better. Pour tout ce que tu fais, je dis merci. Pour ton pardon, je dis merci. Et pour ton amour, je dis merci. Et j'ai merci et je dis merci. Pour tout ce que je fais, je dis pardon. Pour tout le mal, je dis pardon. Pour tous les péchés, je dis pardon. Je dis pardon. Oh, oh, ah. Papa, tu sais bien. We can never be perfect on this earth. Cause only you, Father, you are perfect. And nobody compares to you. Been a liar, been a cheater, been a hater, been a sinner. I've been doing things I shouldn't be doing. I've been lying, I've been sinning. I've been doing things that don't give you glory. Baba, I'm here. I want to know you more. I want to love you more. I want to do things that give you the glory, my Father. I send my son to call when my wako. I send my son to call when the wako. I send my son to call for millions. For my friends, you want to not for my enemies. This is short to Linde. To pick up to Miki Ababa, Milele Daima, Wango Zanko to Tawe Zababa. Pour tout ce que tu fais, je dis merci. Pour tout ce que tu fais, pardon, je dis merci. Et pour ton amour, je dis merci. Oui, je dis merci. Je dis merci. Et pour tout ce que je fais, je dis pardon. Pour tout le mal, je dis pardon. Les péchés, je dis pardon, je dis pardon. Oh, oh, oh, ah. Qu'est-ce que tu fais, je dis merci. Oh, give me ton pardon, je dis merci. Je dis merci, je dis merci. Je dis merci, je dis merci. Je dis merci, et je dis merci. Qu'est-ce que je fais, je dis pardon. Je dis pardon. Tout le mal, je dis pardon. Mon père. Tous les péchés, je dis pardon. Baba, je dis pardon. Yeah. It was Lucinda, Mahalesh, and Gibson King with each of them having a song called Merci. You're listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio, KFAI.org, streaming worldwide, or 90.3 FM in the Twin Cities. Keep on listening. Hi, this is Freddy Pudding, and this show is a rerun. And now we're going to listen to Bignon with Merci, then Les Sœurs Marlowe with Action de Grâce, Merci, and the band Tarmac with Gaëtan Roussel with the song Merci pour tout. Thank you for everything. Reconnaissant envers toi, tout ce que j'ai est à toi, Jésus mon Messie, ta compassion pour moi est ma raison d'exister, et maintenant pour toi c'est douloureux, de moi tu es amoureux, ta compassion pour moi est ma raison d'exister, et maintenant pour toi. Je te dis merci, merci de tout cœur, Jésus mon Messie. Merci, merci de tout cœur. Je viens te dire merci, merci de tout cœur, Jésus mon Messie. Merci, merci de tout cœur. Merci papa Yahweh, merci papa Yahweh.

Was Bignon with Merci, Les Sœurs Marlowe with Action de Grâce, Merci, and Tarmac with Merci pour tout, from their album Notre Époque. Hi, this is Freddy Poisin, and this show is a rerun. Au revoir! Au revoir! Au revoir. Et, joyeux Thanksgiving! Yes, and stay happy safe. Beaujolais Nouveau, belated Beaujolais Nouveau, stay safe, as Romain says, and stay tuned for Balkan Jamboree. Au revoir, KFI.org. Bye. Bye-bye. Have a good one.